إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلكم من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. أما بعد، les frères, les sœurs, on continue بإذن الله notre cours et on arrive au cours numéro 4 dans l'explication de l'Khilafa et de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui autour de nous et au Shem bi'idnillah. Et avant de rentrer dans ce cours, je me suis arrêté en préparant le dars, je me suis arrêté à certains hadiths. Le Cheikh Ibn Qayyim rahmatullah alayh, l'élève de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, n'a pas eu tort quand il a dit que le fait d'aimer la dunya était la source de tous les péchés. Le fait de s'attacher à la dunya était la source de tous les péchés. Et je me suis arrêté à un hadith que le prophète والسلام, a mis en garde sa umma. Hadith il a été rapporté par l'imam Ahmed fi musnadihi ou Abu Daoud fi sunanih wa ghayrihim. والحديث جاء من حديث ثوبان مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزع الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذف الله في قلوبكم الوهن. قلنا أي قال الصحابة رضي الله عنهم: وما الوهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. Donc ce hadith il décrit notre situation au jour d'aujourd'hui. C'est le fait de s'attacher à la dunya, le fait de s'attacher à la dunya et de détester la mort. La personne qui a 1000 euros, elle va en avoir deux. La personne qui a une voiture, elle veut avoir deux voitures. La personne qui veut avoir une femme veut la deuxième. La personne qui a une maison veut une deuxième maison. La personne qui a un CDD veut avoir un CDI. On est attaché à cette dunya. Allah al-Musta'an. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il dit: il en faut peu pour que les nations se regroupent contre vous, à l'image des mangeurs qui se regroupent autour de leurs plats pour manger. Un homme a dit: ça sera à cause de notre faible nombre ce jour-ci. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: non, vous serez plutôt à ce jour nombreux, mais vous serez pareil à l'écume qu'il y a dans un cours d'eau. Et Allah azza wa jal enlèvera la peur des cœurs de vos ennemis. Et il mettra dans votre cœur al-wahan. Il mettra dans vos cœurs al-wahan. Ils ont dit: ya Rasulallah, c'est quoi le wahan? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: le fait d'aimer la dunya et détester la mort. Al-wahan, c'est ça. Et on a cette maladie au jour d'aujourd'hui qui est plus dangereuse que l'Ebola. Je le dis souvent, cette maladie qui s'appelle l'Ouahen, elle est plus dangereuse que la maladie d'Ebola. Wallah, Kairita. Kairita, on s'est attaché à cette dunya jusqu'à que elle s'est embellie devant nos yeux et on n'ose plus, on n'ose rien faire. On entend parler, mais le cœur, il est attaché. Il est attaché à la dunya. Bidnillah, je vais rentrer dans l'explication en regroupant, et hadahu en regroupant plusieurs hadiths pour montrer qui est vraiment le groupe victorieux que le prophète a cité dans plusieurs hadiths. Et entre autres, on a le hadith qui parle des firaq, le firaq dalla, le firaq التي هي في النار, comme a dit le Nabi عليه الصلاة والسلام, le hadith rawahu Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Al-Hakim fil Mustadrak. Le Nabi عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الجماعة. وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي, ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث صحيح. Donc dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام, il dit les juifs se sont séparés en 71 groupes et les chrétiens se sont séparés en 72 groupes et ma communauté elle se divisera en 73 groupes. Tous ces groupes entreront en enfer sauf un. Les compagnons, radiallahu anhum wa ardahum, ils ont dit, mais qui est ce groupe? Qui est ce groupe? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, al-jama'a, le groupe, al-jama'a. Et dans une autre riwaya, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. هذا القيد. Le prophète عليه الصلاة والسلام, pourquoi il a mis ce mot aujourd'hui? D'accord? Ça veut dire que quand le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit aujourd'hui, il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas mis ce mot comme ça. Abasan. Non, il a dit aujourd'hui, car à ce jour-là, la religion était parachevée. Il n'a pas dit pendant la période Qurashite. Il l'a dit lorsque la religion était entièrement achevé. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit hada al-qaid. Il a dit ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Hada hadith wa fi riwaya al-jama'a, il a dit al-jama'a. Al-jama'a laha mafhouman. Donc le mot, le groupe, il a deux sens. Comme il a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardah, il a dit al-jama'a ma wafaq al-haqq wa law kunta wahdak. Donc Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit al-jama'a, le groupe, le mot groupe, c'est ce qui va dans le sens de la vérité, même si tu es seul. Même si tu es seul. Donc si tu te maintiens à la vérité, tout seul, tu représentes al-jama'a. D'accord? Et on a l'autre sens, al-jama'a, c'est-à-dire al-jama'a, le groupe des musulmans. D'accord? Le groupe des musulmans. Et c'est pour ça que à partir de ce hadith, al-fuqaha, les ulama, ils ont pris al-sunnah ou al-jama'a. Quand le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit sur quoi je suis aujourd'hui, c'est-à-dire sa sunnah. C'est pour ça que les gens, c'est pour ça que les ulama, ils ont hadastinbat, ils ont pris ce mot al-sunnah, ainsi que mes compagnons al-jama'a. Ainsi que mes compagnons al-jama'a. Donc ils ont pris al-sunnah ou al-jama'a. Donc on prend sur quoi le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il était. On ne renie pas un hadith et on prend un autre. On ne prend pas ce qui nous arrange, mais on prend notre manhaj. C'est de prendre par rapport au sujet tous les hadiths qui sont authentiques dans lesquels le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam parle de la mas'ala. Hada huwa al-manhaj. Donc, hada hadith l'awwal. Huwa fi l'haqiqa a hadith ta'if al-mansoura sadaqa man qal annaha mutawatira. ولكن اخترت أحاديث لكي تكون الصورة واضحة. حديث الثاني لكي تتضح الصورة. Pour que l'image soit claire par rapport à ce groupe, quelles sont ses caractéristiques, nous avons حديث سلمة بن نفيل الكندي, حديث رواه النسائي, قال كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان سلمة بن نوفل الكندي كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل الرسول عليه الصلاة والسلام بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء دور القتال، ولا يزال من أمتي أمة، وفي رواية طائفة، وفي رواية عصابة تقاتل على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام يجعل رزقهم منهم حتى تقوم الساعة، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وعقر دار المؤمنين يومئذ بالشام. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, et ce jour-là, la demeure des croyants sera au Sham. Al hadith sahih, rawahu al-Imam Ahmad wa al-Nasa'i, wa hassanahu al-Albani rahmatullahi alayhi sahiha, liman arada an yuraji'. Donc, dans ce hadith, hadith masha'Allah, le prophète alayhi salatu wasalam, il était assis, il y avait Salama ibn Mufail al-Kindi radiallahu anhu avec lui, un homme est arrivé, et il a dit, يا رسول الله أذال الناس الخيل. Non, les gens ne prennent plus soin des chevaux en les entraînant. Les gens ne prennent plus soin des chevaux en les entraînant et ils ont posé les armes. Et ils ont dit la jihad. Il n'y a plus de jihad. وضعت الحرب أوزارها. La guerre a pris fin. C'est terminé. Et ce hadith, سبب ورود الحديث, c'est que après une guerre où les musulmans ont triomphé, les sahaba ils ont gagné, ils sont retournés, il y en a ils sont partis, ils ont pris leur vie sur le mazar, à récolter, à travailler, ils ont posé les armes, ils prenaient plus soin des chevaux. Et ça a été la cause où cet homme, ça a été la raison pour laquelle cet homme il a parlé, il a dit que la guerre a pris fin, c'est bon. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est tourné vers lui, il lui a dit, ils ont menti. C'est maintenant qu'est venu le moment du qital. Al-ana ja'a dawr al-qital. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a fait les éloges d'un groupe qui ne cessera de combattre dans la voie de la vérité pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, il ne cessera d'y avoir parmi ma communauté un groupe qui combat sur la vérité. Jusqu'à que le prophète alayhi salatu wasalam, il nous a montré comme quoi ces gens qui combattent, comment ils ont leur subsistance, comment ils ont leur ranima. Il a dit, Uziru Allahu lahum quluba aqwamin yaj'alu rizquhum minhum. Leur subsistance, elle émanera de leur ennemi. Leur subsistance, elle émanera, subhanallah, de leur ennemi. Ici, même ici dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wasalam, te montre comment la subsistance de ces mujahidines, comment ils vivent. Ils vivent de la ranima, du butin qu'ils ont lors des combats qu'ils ont contre leur ennemi, contre les kuffars ou les murtaddin. Yuzir Allahu lahum quluba aqwamin yaj'alu rizquhum minhum. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, 7 siècles avant, il a parlé, il a dit quoi par rapport à ce... Il a cité ce hadith. Qal Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, وهو يصف أهل الشام الذين قاتلوا التتار كان يصفهم بأنهم من أحق قال ماذا قال؟ قال أنهم من أحق الناس دخولا في هذه الطائفة المنصورة. Il avait dit qu'à cette époque-là, les gens du Sham, ils étaient dignes de rentrer dans ce groupe-là, qui est le groupe victorieux. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Majmou al-Fatawa, dans le Mujmu' al-Fatawa, Mujallad 28, page 531, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Fandor, il a dit, Amma ta'ifatu bi-Sham wa Misr wa nahwihima fahum fi hadha al-waqt al-muqatiluna 'an din al-Islam wa hum min ahaqq an-nas dukhulan fi al-ta'ifah al-mansura allati dhakaraha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqawlihi fi al-ahadith as-sahiha al-mustadhifah 'anhu. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, il te dit en ce qui concerne la Ta'ifa ou Sham, ainsi, il y a en Égypte et leurs équivalents. Ils sont à cette heure-ci les combattants, al-muqatiloun, pour la religion, ad-din, pour la religion de l'islam. Et ils sont ceux qui méritent, ils méritent le plus de faire partie de Ta'if al-Mansoura, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, d'après ce qui a été authentique et fréquemment relaté de lui, alayhi salatu wa sallam. 7 siècles, il a dit ça, et au jour d'aujourd'hui, on dit la même chose de ce que Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il a dit. On dit que At-Ta'ifa fi Shi'ab, c'est le groupe qui mérite le plus de faire partie de ce groupe victorieux que le prophète alayhi salatu wa sallam a cité il y a plus de 14 siècles maintenant. Donc, Cheikh Islam, rahmatullahi alayhi, il continue, ensuite il dit que cette religion ne sera pas établie, excepté par le livre et la balance et le fer. Trois choses. Il indique trois choses. Il te dit, et la religion ne sera pas établie sans le livre, c'est-à-dire le Coran, et la balance, al-mizan, et le fer, al-hadid. كتاب يهدى به وسيف ينصره وكفى بالله هاديا ونصيرا يقول شيخ الإسلام تيمية لن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد كتاب يهدى به وحديد ينصره وكفى بربك هاديا ونصيرا قال سبحانه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. Donc par rapport à ce verset, Cheikh Islam il continue, il dit quoi? Il dit فالكتاب به يقوم العلم والدين والميزان والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد. Donc سبحان الله des paroles en or. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh? Il te dit avec le Coran, on arrive à établir la science et la religion. Avec la balance, on établit les droits ainsi que les pactes. Et avec le fer, on établit les jugements de sentence sur les kafirines et les munafiqines. Et c'est pour cela que la plupart des versets dans le Coran parlent de la prière, parlent beaucoup de la prière et du jihad fi sabilillah. Dans le Coran, les versets souvent parlent de la prière et du jihad fi sabilillah. Wa alamu barakallahu fikum ayyuha al-ikhwa, ayyuha al-akhawat, anna dawlat al-khilafa, anna dawlat al-islamiyya, لا يمكن أن تقوم إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر فهي بين الميزان والحديد قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلمن الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وكان أخذا سيفه بإحدى يديه والمصحف بيده الأخرى فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا من عدل عن هذا سبحان الله pour vous montrer que parmi les caractéristiques de la Taif al-Mansoura, le groupe victorieux, c'est que c'est une ta'ifa. On sait que Al-Irja' se base sur des dires de Ali ibn al-Madini, de l'imam Ahmed et de Bukhari quand ils disent que Ta'if al-Mansoura, le groupe victorieux, c'est Ahlul Hadith. Ahlul Hadith avec leur compréhension. C'est-à-dire qu'ils se basent sur des textes qui sont authentiques. D'accord? Mais les grandes caractéristiques comme Shuyukh, ils l'ont indiqué que cette ta'ifa, c'est une ta'ifa qui a un ilm sahih, qui a une aqida sahiha, qui a un manhaj sahih, la huwa khariji, wa la huwa murji'i, wa la huwa mu'tazili, wa la huwa sufi, wa la huwa madkhali, bal aqidatuhu aqidatu salaf, aqida safiyyah, ليس فيها شوائب. هذه هي عقيدة المسلم، هذه هي عقيدة الموحد بالله. الطائفة المنصورة عقيدتها أنهم موحدون، عندهم عقيدة صحيحة، علم صحيح، والصفة الثانية أنهم يقاتلون في سبيل الله، أنهم يقاتلون في سبيل الله. هذه هي الصفة الثانية. Donc, par rapport aux caractéristiques que les savants ont indiquées pour le groupe victorieux, c'est que ce groupe, c'est un groupe qui a une bonne aqida. Comme j'ai dit, un groupe qui a pas une aqida de Khawarij, qui a pas une aqida de Morji'i, de Jahmi, ou de Mu'tazili, ou de Sofi, ou de Madkhali, Atba Arabi al-Madkhali, ou Najmi, ou Al-Fawzan, ou Ma Adri Rabi, ma. عنده عقيدة، عقيدة سليمة، عقيدة صحيحة، عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه. هذا هو ما أنا عليه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما جاء في حديث العرباض بن سارية، والحديث عند أبو داود والنسائي وغيرهم. وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي على رأسه زبيبة، فإنه من يعيش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم ici pour c'est quelque chose d'obligatoire، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc ici comme dans le hadith de Al-Irbad ibn Sari, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit alaykum bi sunnati. Et juste avant, il a dit qu'il y aura beaucoup de divergences. C'est quoi la solution? C'est revenir à la bonne compréhension du Salaf Salih. C'est vrai qu'on entend les Morji'a, comme des perroquets, à dire ouais, c'est, notre manhaj c'est Kitab wa Sunna, Bifahm Salafi l'Umma. Deux répliques, trois qu'ils ont appris, et qui commencent à les citer. À chaque fois qu'ils montent sur un train, ils les citent. وَالدَّعَوَى إِنْ لَمْ تُحْمَلْ عَلَيْهَا بَيِّنَاتٌ فَأَصْحَابُهَا أَدْعِيَاءُ. Donc les paroles qui sont pas appuyées sur des preuves, ceux qui la disent, c'est des gens qui se vantent, comme Al-Sha'ir a dit. Donc nous regardons حقيقة الشيء حقيقة ما يقولون فإنهم والله مرجئة والإرجاء دين يعجب الملوك. Donc ici, le prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith, il a dit il y aura beaucoup de divergences. Donc c'est quoi la solution? Revenir à sa sunna et sunna al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Fa'uddu, qala nabi alayhi salatu wasalam, fa'uddu alayha bin nawajid. Il a dit attachez-vous bien, pas avec les dents de devant, mais avec les dents de derrière. Car si tu t'attaches avec les dents de devant, elles peuvent s'enlever et s'arracher. Au contraire, si tu t'attaches avec les dents de derrière, tu vas te maintenir à sa sunna bi'idnillah. Et c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wasalam, quand il nous a dit alaykum, c'est une obligation, maintenez-vous à ma sunna et celle des khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Donc, première des choses, ce groupe victorieux, sa première caractéristique, c'est qu'il a une bonne aqida et il a de la science. Il a une bonne aqida et il a de la science. Et donc, Cheikh l'Islam, quand il parle, il dit, avec le Coran, on arrive à établir la science et la religion. D'accord? Et avec la balance, on établit les droits ainsi que les pactes. Et le fer, on établit les jugements de sentence sur les kafirines et les munafiqines. Donc c'est le fer, yan soro. Le fer fait triompher le Coran. Et quand on est arrivé à la parole de Jabir, radiallahu anhu, quand il a dit, le prophète alayhi salatu wasalam nous a ordonné de combattre avec ceci. Il a dit, le prophète alayhi salatu wasalam nous a ordonné de combattre avec ceci, en indiquant son épée. Et celui qui délaisse cela, En indiquant quoi? En indiquant le Coran. D'accord? Et le hadith, et la parole, le hadith au Maqouf, et c'est une parole de Sahabi, et ça a été rapporté dans Musnad Imam Ahmed, rahmatullahi alayhi. Wahada misbah qawli nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça relate la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Bu'ithu bis sayfi bayna yaday as-sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhillu was-sagharu 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wal hadith rawahu Ahmad an ibn Umar radiyallahu anhuma. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été envoyé avec une épée jusqu'à que Allah Azzawajal soit adoré sans qu'on lui associe quoi que ce soit. Et ma subsistance, Allah l'a rendue sous l'ombre de mon épée. L'humiliation a été rendue par rapport à ceux qui vont à l'encontre de mon ordre. Et celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Et celui qui ressemble à, qui essaie de ressembler, qui ressemble à un peuple, mais وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ فَالسَّيْفُ أصدق الأنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. Dans l'épée, c'est la meilleure façon d'informer que les livres. Dans sa sentence, on arrête l'amusement du jeu. والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا ويقول في حديث رواه أبو داود ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. Il n'y a pas une nation qui abandonne le jihad dans le chemin d'Allah Azzawajal sans qu'il soit humilié. Et c'est ce que on voit au jour d'aujourd'hui, quand on a vu que la Ummah a délaissé le jihad, on a vu que l'humiliation a touché les musulmans du monde entier. On a été humilié. Humilié quand on voit dans des établissements, humilié quand tu vas à la CAF, humilié quand tu vas à la Sécu, humilié quand tu vas à la banque, humilié quand tu vas dans les marchés, humilié, on est humilié, humilié. Avec tous les sens du mot humiliation. Pourquoi? Parce qu'on a laissé, le jihad. On a laissé le jihad. Harun Rashid, qu'est-ce qu'il faisait? Et une année, il faisait le pèlerinage, une année, il faisait le jihad. Et une chose. Dites-vous qu'il y avait des sahaba radiallahu anhum qui étaient forts dans des actes d'adoration et certains étaient moins forts. D'accord? Il y avait certains qui n'étaient pas très forts et j'essaie de me rappeler un prénom du sahabi qui délaissait, Safwan ibn al-Mu'attal, ou ibn al-Mu'attal. Sa femme était venue voir le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est plainte, car il ne se levait pas, prier le sobh à son heure. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, l'a interpellé, là, il l'a appelé, et il l'a mis en garde, et il l'a mis en place. Il lui a dit, nous, on est, Safwan ibn al-Mu'attal, il avait dit que, on est que dans son village, il ne se levait pas jusqu'à que le soleil tape. Et il l'a mis en garde. Donc, il y avait des sahabas, ils étaient forts dans les actes d'adoration, comme le qiyam, comme la lecture du Coran, l'apprentissage. Et pour vous dire, il y avait d'autres sahabas qui étaient moins forts dans des actes d'adoration. Et ça, il ne faut pas s'étonner. Même pour le rappeler, il n'y avait pas un sahabi qui n'était pas moujahid. Il n'y en avait pas, c'était un ar. C'était vraiment une honte de délaisser le jihad. Et il n'y avait pas un sahabi. Même subhanallah, ils avaient des infirmités, ils étaient malades, ils sortaient quand même. Ils sortaient quand même. Et il y avait aussi, on a le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas, il avait 14 ans, Kana Yatawara, il avait 14 ans, il sortait. Et il sortait derrière les sahaba qui allaient se battre pour faire le jihad, il sortait, il se cachait, il disait pour que le prophète alayhi sallam ne me voit pas et pour qu'il me dise pas de revenir alors que je sors et j'ai envie de mourir martyr. Subhanallah, il a 14 ans. Et on a au jour d'aujourd'hui des chouyoukhs qui sont contents de ne pas y aller. Alors qu'un enfant, un jeune de 14 ans, subhanallah, il sort. Allah musta'an. Allah musta'an. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Dans ce verset, Allah, regardez, ils combattent dans le sentier d'Allah, ne craignant pas le blâme d'un blâmeur. La yakhafuna lawmata la'im. Allah a dit, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, man yartadda an dini, man yartad minkum an dini, quiconque parmi vous s'apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime. Et eux, à leur tour, ils vont aimer Allah, modeste. Hein, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants qui luttent dans le sentier d'Allah ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Subhanallah. Regardez ce verset. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il dit quand ta'liqan ala hadha al hadith, en marge en commentant ce hadith, il dit si l'ennemi a l'intention d'attaquer les musulmans, le repousser devient obligatoire pour aussi bien la population sous l'attaque que la population qui n'est pas sous l'attaque. Il est obligatoire. Allah a dit, et s'il vous demande secours au nom de la religion, qu'est-ce que vous faites? Vous les regardez? Hein? Vous regardez des vidéos? Si on vous demande secours au nom de la religion, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? À vous de leur porter secours. وَإِنِ صَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ فَعَلَيْكُمْ إِسِكُمْ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِكُمْ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَ عَلَيْكَ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرِ. Ici, à l'unanimité, si tes frères t'appellent pour les aider, il t'est obligatoire d'aller les aider. Il t'est obligatoire. عَلَيْكُمُ النَّصْرِ. وهذا الكلام قاله الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى المجلد 28 page 358. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. Si on vous appelle, si on vous demande secours dans la religion, au nom de la religion, à vous de leur porter secours, c'est-à-dire vous les musulmans. C'est à toi de leur porter secours. La plus grande des fitnas, c'est le shirk et la mécréance. C'est le shirk et la mécréance. وقاتل قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Ici, كله. Toute la religion, il faut qu'elle soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. ويكون الدين كله لله. Et combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait plus d'association. Ici, comme il a dit Ibn Mas'ud, al-fitna, al-shirk. Comme il a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il a dit que l'association al-shirk ou al-fitna. Donc, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, il dit, فَكُلُّ مَنْ بَغَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ إِلَى دِينِ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ فَلَمْ يَسْتَجِبْ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Ici, Cheikh Islam, il dit, chaque personne, écoutez bien, chaque personne qui a eu le rappel du prophète, alayhi sallatou wassalam, qui a eu l'appel du prophète, alayhi sallatou wassalam, vers la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui ne répond pas à cette da'wa, il faut le combattre jusqu'à qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit entièrement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Des paroles de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu a'lamuhum. Allah Azza wa Jalla a dit, est préparé pour lutter contre tout ce qu'il faut comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer, afin de terroriser. Et ici, on dit que le terrorisme en islam est une condition, est une condition de la véracité de la foi du musulman. C'est une condition. Si vraiment tu es un vrai croyant, il faut qu'il y ait cette condition. D'accord? Comme il a dit Abdullah Azzam, rahmatullahi alayh, c'est une obligation. Le terrorisme, il a dit, c'est une obligation. Et préparé pour lutter, et préparé donc tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez pour combattre en force et comme cavalerie équipée afin de terroriser l'ennemi d'Allah ainsi que le vôtre. Ainsi que le vôtre. Sourate l'Anfal, verset 60. Et pour vous dire que Al-Haqq wal-Batil, tel-Layli wal-Nahar. Wallah, Al-Haqq wal-Batil, c'est comme le jour et la nuit. Et l'ignorance, l'jahiliya, حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Est-ce que c'est un jugement de la période pré-islamique qu'ils veulent? Il n'y a pas mieux que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des gens qui ont une certitude. Les ikhwa wal akhawat al kiram. Fa al jahiliya en elle-même, elle est là pour contrer la religion d'Allah Azza wa Jal. Elles sont en combat. Allah Azza wa Jal, il a dit, en parlant des mécréants, il a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala قال وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Regardez, c'est une continuation. C'est des versets clairs. Des versets clairs, tu peux passer dessus en lui disant, mais est-ce que tu vas le méditer? Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Ici, قِتَال. Et ils ne cesseront. Ils ne cesseront. C'est-à-dire dans le futur, ils ne cesseront de te combattre, ya Abdallah. Ils ne cesseront de te combattre. Ils te combattent avec les médias. Ils te combattent avec leur langue. Ils te combattent avec leur économie. Ils te combattent avec les armes. Ils te combattent avec tout. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Subhanallah. A'da'ullah. Hada huwa tariquhum. C'est leur façon de faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas trouver un mécréant ennemi d'Allah ami avec les musulmans. Hada la yumkin. C'est pas possible. C'est pas possible. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à que vous deviendrez apostat حتى تردوا عن دينكم. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit s'ils peuvent, s'ils arrivent, mais بإذن الله ils n'arriveront pas, ils n'arriveront pas. ولكن بشرط ان تعود الأمة لعزها. Condition que les musulmans reviennent à leur fierté. Donc cette fierté, elle est pour Allah, hein, d'accord? Pour son prophète ainsi que pour les croyants. Cette fierté qu'on a, comme il a dit Shatibi fil Muwafaqat, comme il a dit, chaque personne doit faire son mieux. Et doit faire son possible et son maximum pour arriver à cette fierté, à cette izza. Pourquoi il a dit Shatibi rahmatullah alayhi, il a dit parce que wu'udullah azza wa jal fi kitabihi awamir. C'est-à-dire que les promesses d'Allah azza wa jal, écoutez bien les frères et sœurs, il a dit les promesses d'Allah azza wa jal dans son livre sont des ordres. Les promesses d'Allah azza wa jal dans son livre sont des ordres. Donc, ala al-mu'minin an yahubbu ila هذه العزة وإلى هذا المجد وأعداء الله عز وجل يقاتلون ويعدون العتاد ويعدون العدة. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل إن ميور ستراتاجين. الله سبحانه وتعالى إن ميور ستراتاجين. Regardez les versets, surat l'Anfal. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous dit? Il nous dit wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. En fait, il cherche de monter un stratagème contre toi. En te faisant quoi? Liusbituk. Donc ce mot, liusbituk, ça veut dire quoi? Wa idh yamkuru, ils essayent de planifier, de mettre en place. De mettre en place un piège. Ceux qui ont mécru, les kuffars, essaient de mettre en place un piège. Pourquoi? Donc la première des choses, regardez. Allah Azza wa Jal te décrit les situations dans lesquelles, la façon dont les kuffars se comportent envers les musulmans. Allah Azza wa Jal, dans Sourate l'Anfal, il a cité trois comportement que ces koufars ont contre les musulmans. Allah Azza wa Jal, il a dit li yuthbituk, première des choses. Ou yaqtuluk, ou yukhrijuk, troisième chose. D'accord? Ici, yuthbituk, ça veut dire quoi? Te mettre en prison. Te mettre en prison. Et ce dire, c'est pas mon dire, c'est le dire de Qatada, wa Mujahid, wa Ibn al-Abbas radiyallahu anhuma. إذا أردت أن ترجع إلى تفسير ابن كثير فارجع. Ici, il a dit quoi? Il a dit Ibn Abbas, Qatada, Mujahid, ils ont dit ليثبتوك, c'est-à-dire ليقيدوك ويحبسوك, pour te mettre en prison. D'accord? Donc, le choix, ils peuvent avoir ce choix, te mettre en prison, s'ils voient que tu es vraiment un ennemi pour eux, soit أو يقتلوك, ou te tuer, comme ils ont fait, comme ils font toujours, c'est-à-dire comme ils ont fait avec Cheikh Ibn Laden, rahmatullahi alayh, comme ils font avec les Mujahideen, ammatan, comme ils font avec les Mujahideen, ils les tuent, ou yukhrijouk, ou soit ils t'envoient à Guantanamo, soit ils t'envoient dans une prison, soit ils t'envoient loin de chez toi, loin de ta famille, personne ne te voit, comme ils font avec Cheikh Omar Abdelrahman, Fakkar Allah Asrah, wa shafahu Allah Azza wa Jal, wa adama fi umurih, wa naf'a Allah bihi, nas'a Allah Azza wa Jal, an la nara fihi ma yasu'. Comme ils font avec les savants. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ces tawarit avec les savants? Ils les mettent en prison. Ils les mettent en prison. Et ça, c'est cité dans Surat Al-Anfal, verset 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. Donc si les mécréants mettent contre toi un piège, soit pour te mettre en prison, soit pour te tuer, soit pour t'expédier. ويمكرون الله والله خير المنكرين. الله عز وجل est meilleur en stratagème. سبحانه وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, سيد قطب رحمة الله عليه, nous donne des paroles, notamment سيد قطب. سيد قطب il a des paroles, ما شاء الله. Il dit إن هذا المنهج لا يعني ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين فحسب, إنما يعني كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين. إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين. Allah, il dit, il y a des paroles, il dit que dans ce manhaj, on n'est pas là pour montrer la vérité et la dévoiler, pour connaître le chemin des croyants, des vrais croyants qui sont pieux, mais cela signifie aussi montrer al-batil, et le dévoiler, jusqu'à ce qu'on voit le chemin des égarés, des criminels aussi. Et ensuite il dit, إِنَّ السِّبَانَةَ سَبِيلِ الْمُجْرِمِينَ ضَرُورِيَّةَ. Il dit, le fait de montrer le chemin des criminels est une obligation pour connaître le chemin des croyants. سبحان الله. لاستبانة سبيل المؤمنين، لاستبانة سبيل المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. Donc Allah Azza wa Jalla il dit dans ce verset, c'est ainsi que nous détaillons les versets pour faire apparaître le chemin des criminels. نكتفي بهذا القدر، نتابع في الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.